Et notre évasion suit son cours dès à présent avec l'interview de Dominique Dallot-Gaugendeau, papiériste et plasticienne, membre du collectif d'artistes valdoisiens L'Art Chauve. Bien voilà, on est dans la deuxième partie de l'émission Écoutez, il n'y a rien à voir. Et ce soir, on accueille avec plaisir Dominique Dallot-Gaugendeau. Salut Dominique. Salut. Salut Philippe et Fabienne. Dominique qui a la particularité d'être papiériste et moi j'ai rajouté plasticienne. On va en parler dans quelques instants. On a l'habitude de permettre à nos auditeurs d'un peu mieux connaître les personnes qui viennent dans le studio. On ne va pas remonter très loin, mais il me semble que tu as une formation d'artiste au départ de ton histoire. Oui, j'ai une formation d'art plastique et notamment en art textile, plus précisément art textile. Alors moi, l'art textile, tu me parles en chinois, c'est la même chose. C'est quoi l'art textile? Art textile, c'est toute utilisation avec des textiles, du fil, tout fil. C'est pas seulement fil de laine ou fil de coton, ça peut être fil métallique. Ça donne quel type d'objet au final? Ça me laisse libre cours en fait, sur des aplats, sur du volume. Ouais. Et ça me permet de mélanger les techniques aussi, du papier et du textile. Ouais, mais là tu es déjà dans ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Moi, je voulais savoir ce que tu faisais à l'école. Voilà. Parce que moi, l'art textile, je me vois avec du tricot, ça ne doit pas être ça. Ah oui, non, alors l'art textile, formation, j'ai fait un stage de tissage, de tapisserie haute lisse, de macramé, mais macramé artistique, c'est-à-dire avec des volumes, vraiment des sculptures de macramé que j'ai fait avec une Mexicaine, d'ailleurs, une artiste mexicaine. L'art textile, ça comprend, mais ça peut aussi comprendre de la couture, parce que la base, c'est la couture quand même. Ça peut être. C'est de tous les tissus possibles. Ouais. Des tissus naturels aux tissus artificiels, synthétiques, on trouve maintenant. On est dans quelque chose qui te convient parfaitement bien, qui est quelque chose de particulièrement tactile. C'est beaucoup une histoire de main. Il y a les yeux, bien sûr. Oui, j'ai une certaine, une grande sensibilité à tout ce qui est lié au toucher. Lié au toucher, Ouais, absolument. Et puis à la nature aussi. L'un n'empêche pas l'autre. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a son diplôme en poche? Eh bien oui, on cherche du travail, mais c'est pas évident. Alors j'ai commencé par faire des animations d'atelier avec des enfants. D'abord avec des enfants. D'accord. Dans des écoles? Dans des centres culturels, dans le Val d'Oise. Donc ça a été jusqu'à Beaumont, Persan-Beaumont, Mériel, Pontoise. Et puis ensuite, j'ai pu ouvrir un atelier d'adultes. Ouais. Donc là, c'était plus tapisserie haute lisse. Là, il faut que tu nous expliques aussi la différence entre la basse et la haute lisse. Alors, la haute lisse, c'est tout simple. La haute lisse, le cadre est devant nous, debout devant nous. Ouais. Et la basse lisse, il est à l'horizontale. D'accord. Donc, dans un cas, le tissage se présente verticalement. Oui. Et on le pratique verticalement. Oui, voilà. Et dans l'autre cas, il est allongé. Vertical, d'accord. Voilà. Et dans les deux cas, on tisse à l'envers, c'est-à-dire qu'on voit l'envers le plus souvent on voit l'envers du tableau, enfin quand on reproduit. L'envers du tissu. Parce qu'il y a aussi, ou la création, donc on crée son tableau, et si on reproduit un tableau, on c'est à l'envers. C'est vachement pratique pour le résultat final. On travaille avec des miroirs. On travaille avec un miroir, d'accord, ça je ne savais pas, je ne me souvenais pas qu'il y avait un miroir. Et c'est avec une navette. qu'on pratique. Alors, la navette, c'est pour le tissage. Ouais. Et avec pour la tapisserie, ce sont des petites navettes, tout simplement des petites pelotes. Pelotes que l'on fabrique selon la longueur de fil que l'on a besoin, puisqu'on change beaucoup de couleurs. Il faut savoir que dans une tapisserie, il y a beaucoup de changements de couleurs. Donc, selon le motif qu'on a à reproduire, on a plus ou moins On calcule sa longueur de fil à l'avance. Oui. D'accord. Wow. Mais il faut un grand local pour... Oui, c'est assez, assez important, un cadre. Mais bon, il en existe des petits. Hein. Bon. Alors ça, j'avoue que j'apprends des choses aujourd'hui. On peut avoir jusqu'à combien de pelotes, hein, différentes? Ça dépend du nombre de couleurs. Ça dépend des couleurs, oui. Tu peux avoir 10 pelotes hein, sur un même rang, oui. Et j'avais une autre question. Vas-y, parce que, profite-en. Et oui, ça me taraudait. L'école, elle existe toujours? Alors, c'est une formation que je faisais, je ne sais pas si ça existe toujours, c'était au château c'était vers Chantilly, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Voilà. Les gens qui sont intéressés, ils iront chercher. Est-ce qu'il y a des gens que tu as formés à cette époque-là ou à qui tu as appris le tissage, avec qui tu as encore des contacts? Non, je n'ai plus de contact. D'accord. Avec les personnes que j'ai eues dans mon atelier, non. D'accord. Mais toutes les personnes que j'ai eues ont été passionnées. Alors, on va aller un peu vite. Je sais que tu as une vie culturelle, un certain temps. Tu as eu aussi des enfants. Ça occupe une partie de la vie. Tu es sur Mériel, si j'ai bonne mémoire. Oui, j'habite Mériel depuis 40 ans. Ah ouais. Et... voilà, depuis un certain nombre d'années, je sais que tu as trouvé une passion qui est celle du papier. D'abord la matière. Et comment tout d'un coup on devient amoureux du papier? Mais en fait, c'est à partir du textile et des ateliers d'enfants, parce que pour les ateliers d'enfants, il faut avoir beaucoup d'imagination, beaucoup de propositions à faire aux enfants, et il faut que ce soit renouvelé, il faut beaucoup de renouvellement aussi. Donc du textile, je suis passée au papier, et du collage d'abord, de découpage, collage, et puis au fur et à mesure, j'ai découvert qu'on pouvait aussi fabriquer son papier, j'ai testé avec les enfants, et puis après j'ai testé sur moi, et j'ai trouvé dans les bibliothèques des livres qui parlaient du papier et comment le fabriquer. Il y a des artistes dans le monde entier qui fabriquent leur papier selon des techniques ancestrales, parce que le papier c'est pas d'aujourd'hui. Donc j'étais encore plus passionnée en sachant que bon, c'était une activité aussi d'adulte et de recherche. Oui. C'est bien le mot qui convient. D'ailleurs, moi qui ai eu la chance de passer dans ton atelier, qui est chez toi, bien sûr, d'abord, il y a une vraie ambiance. Et puis, il y a du papier partout. Il y en a au mur, dans les placards, sur les tables, par terre. Et ce sont tous, enfin, pas tous, mais une grande partie des papiers que tu as fabriqués toi-même. Et ça, voilà, j'aimerais bien qu'on aille un peu plus en profondeur là-dedans. Comment on fait du papier ? Alors, c'est pas un secret. Alors, bon, moi, je recycle du papier. Donc, je suis un peu dans le thème aussi donc actuel. Donc, on fait du papier avec du papier. Voilà, je recycle le papier. Ouais. Donc, je fais les corbeilles à papier. Et puis, donc, déchiqueter, allez hop. C'est bon. Tu coupes un petit morceau de papier. Voilà, je coupe un petit morceau de papier. Après, je le mets dans l'eau, j'en fais une bouillie. Enfin, je refais une pâte à papier. Et après, cette pâte à papier, je la mets dans une autre quantité d'eau et avec un tamis spécial, avec des formes spéciales, rondes, ou rectangulaires, selon la forme de la feuille que je souhaite. Je plonge mon tamis dans le bac, je récupère une fine couche de pâte à papier, que je mets ensuite sur un linge pour égoutter, et ensuite sur une presse, et je fais sécher. Donc ça fait une feuille. D'accord. Pendant combien de temps ? Alors, c'est l'humidité. Oui, c'est très long. Je fabrique le papier essentiellement l'été parce que je peux le faire chez moi et que ça sèche vite. Mais à l'intérieur, ça peut mettre plusieurs jours à sécher. Je vois bien l'histoire de mettre la pâte à papier sur le tamis. Mais alors, quand tu me dis que tu fais intervenir la presse, elle presse le papier avec le tamis. Ah non, non, non, non, je renverse le tamis, voilà. Je renverse le... Il manquait une étape, oui. Je renverse la feuille de papier sur ce linge-là, et lorsque... Enfin, je mets plusieurs épaisseurs de linge, enfin, je peux mettre une feuille de papier, un linge, une feuille de papier, un linge, donc au moins, on peut faire jusqu'à 4, 5, et ensuite, on met une presse pour extirper tout le maximum d'eau, oui. Le maximum d'eau. Avant de le faire sécher naturellement. Waouh. Ça, c'est le début de l'histoire. Parce que là, on a la théorie du papier. Mais alors après, il y a tout ce que tu y mets dans ce papier. Oui, et puis là, c'est le processus pour des feuilles, mais je peux faire aussi du volume. Donc là, puisque j'en fais aussi des sculptures, enfin, entre guillemets, des sculptures. Mais oui, tu peux le dire. Donc, donc là, je mets... une épaisseur, au lieu de mettre des feuilles, je mets dans des récipients et dans lesquels je mets une bonne épaisseur de pâte à papier, et là ça peut mettre 15 jours à sécher. Donc je peux obtenir des blocs carrés ou ronds, ou et après ces blocs je les utilise comme du plâtre ou du bois. Je peux les scier, les percer, les découper. Ça devient la matière. Ça devient une matière. Voilà. Ouais. Ah ben on va continuer cette super discussion dans quelques instants. On va faire une petite pause musicale proposée par Dominique d'ailleurs. Qu'est-ce que tu nous proposes? Tu m'as dit tout à l'heure. Ameno de Hera. Super, on écoute ça. Interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime, ameno, o mandare in perrovi, ameno, timere, timere, mangiremo, ameno. Retour en studio, vous êtes sur RGB 99.2 FM dans l'émission Écoutez, il n'y a rien à voir. Et en invité ce soir, nous avons Dominique Dallot-Gaugendeau, papiériste et plasticienne de son état. Dominique, tu étais en train de nous expliquer que pour certaines feuilles de papier, tu utilisais des formes afin de les transformer en objets, soit en objets, j'ai envie de dire, matière à couper, à coller, à remonter ensuite pour en faire des œuvres d'art, soit des formes, je dirais, dès le départ, qui te permettent d'avoir celle que tu veux, la forme que tu veux. Je pense au fameux bol. Ah oui. Hein, c'est... Où là, tu m'as expliqué que tu prenais quoi déjà? Des paniers à salade, des trucs comme ça pour, Oui, des écumoirs. Voilà. Oui, Et ça marche. Je moule dans les écumoirs parce que c'est une jolie forme de ouais, bol. Ouais. Donc, selon le modèle d'écumoir que je peux trouver en brocante, j'ai des bols ou des grandes formes intéressantes. Enfin, qui... Je ne sais pas ce que tu veux savoir de plus. Ben non, après ces... c'est... Oui, c'est une forme qui me plaît parce que en fait, dans ces bols, bon, je les peins, je peux y peindre, ouais. Je peux y coller des matières, comme du tissu, encore du papier, des fils, je peux écrire dessus. Ouais. Hein, j'ai écrit des poèmes de Gabralgar. D'accord. Ouais. Et quoi te dire? Et bon, je peux aussi assembler ces bols. Je peux les assembler. J'ai fait une exposition où je les avais mis sur des colonnes, des colonnes de grillage. Oui, je me souviens très bien. Dans l'abbaye de Maubisson, pas de Maubisson, de Notre-Dame, l'abbaye de Notre-Dame à Mériel. Oui, c'était une belle expérience. Justement, quand on regarde ton travail. D'abord, il faut du temps, parce que c'est très subtil. Et je pense que tu passes énormément de temps à choisir le papier qui va aller avec tel autre papier, le positionnement de tel morceau de papier sur un fond, lui-même en papier plus important, la matière, puisque de temps en temps, tu te permets de mettre là un bout de bois, là un morceau de tissu, effectivement. C'est très léger, c'est très réfléchi et c'est très poétique, en fait. Ah, qu'est-ce que tu vas me répondre à ça? Je te réponds que ça, c'est une autre partie de mon travail, c'est le collage. Ben oui. Le collage de papier et d'autres matières. Donc c'est vrai, je passe beaucoup, beaucoup de temps parce qu'il y a tout un équilibre à trouver parce que je travaille d'ailleurs beaucoup de choses en même temps parce que j'ai besoin de les laisser poser une nuit ou deux jours ou laisser passer du temps entre chaque étape. Voilà, laisser passer une temps, du temps. Et puis c'est vrai que le collage, c'est aussi une activité là qui me plaît beaucoup, notamment l'hiver quand je peux pas faire de papier, quand j'ai dans mon atelier, enfermé dans mon atelier. Et là récemment, j'ai fait un livre d'artiste, un livre pauvre ou livre pauvre. Ça, c'était pour l'exposition à Beaumont-sur-Oise, hein, c'est ça. Avec lequel j'ai fait un livre pauvre, et rien qu'avec du collage et des mots. Simplement des mots. D'accord. Et ça se présentait comment? Ça va être difficile de le présenter à la radio, mais... Oui, mais c'était un livre accordéon. Oui. C'était un livre accordéon, très, très rigide. Il était très cartonné. Cartonné, sérieusement, oui. Cartonné. Voilà, la base, c'était du carton, sur lequel j'ai collé du papier. Mm-hmm. Et sur ce papier, j'ai refait des collages. Et là, j'ai travaillé sur ce livre, c'était les cinq sens. Ouais. Donc, j'ai trouvé un mot pour illustrer chaque sens. Donc, chaque page avait un mot. Un mot, et sans doute, te connaissant, une ambiance spécifique à chaque page. Ah, oui, ça c'était. Ah non, mais tu dis, bah oui, mais comment veux-tu qu'on le devine? C'est pour ça que quand tu es peut-être venu dans mon atelier, quand je travaille, c'est vrai, j'en ai partout. Parce que j'ai besoin d'avoir beaucoup de place. Beaucoup d'échantillons, enfin de matière autour de moi, parce que je vais chercher un petit bout de papier, je garde tout, j'ai vraiment du timbre poste jusqu'au lacet, pour vous donner un exemple de ce que je peux garder. C'est une caverne d'Ali Baba, quoi. Je garde tous mes papiers et c'est vrai, et quelquefois je vais chercher très loin ce qui me convient dans le moment. Ça, on le sent bien dans les offres que tu réalises, parce que c'est, on sent bien que c'est le résultat, à la fois, comme tu l'as dit, de temps passé pour monter l'objet, mais aussi il y a une part de hasard. Je suis sûr que tout d'un coup, une couleur, tiens, je dis, ah, ça irait bien avec, compte tenu de tout ce que tu as autour de toi. Oui, ça se passe comme ça. Voilà. Et puis aussi, ce que je vois, c'est que j'ai vraiment besoin d'être dans un état de tranquillité. Je peux pas travailler à la commande. Voilà. D'ailleurs, quand personne me dit, oh, tu pourrais pas me faire ça, ça me plaît pas et je suis pas capable. Il faut que ce soit moi qui le décide. Et puis à un moment précis aussi. Ça, c'est une vraie artiste. Hein. Bah oui. Là, tu nous dis que l'hiver, t'es plus à l'intérieur que l'été. Évidemment, le papier, il sèche plus l'été. Mais il y a des moments où tu sais que tu travailleras mieux que d'autres. J'entends, t'es plus 6 heures le matin que 21 heures le soir, ou ça n'a aucune importance, c'est quand ça vient. Je suis plus tranquille le soir. Ah ouais. Je préfère l'ambiance du soir. C'est comme ça. Je peux pas expliquer plus, mais je préfère l'ambiance. Je sais pas, il y a pas de bruit autour de moi, ou il y a le bruit que je veux, c'est-à-dire une musique qui convient, qui me soutient, voilà. D'accord. On va sortir de l'atelier, et du coup, on va passer de l'autre côté. Maintenant qu'on a vu la créatrice de papier et puis l'artiste dans son atelier, l'aboutissement de tout ça, c'est l'exposition. C'est montrer des objets au public. Et là, qu'est-ce qui se passe? D'abord, je sais qu'aujourd'hui, tu as des grandes responsabilités au niveau de l'association de l'Archaud, mais voilà, comment tu es arrivé à participer aux travaux d'un collectif? Ben parce que c'est un collectif que j'ai suivi à un moment, que j'ai suivi dans des lieux d'exposition, avant de sentir que c'était ce qui me convenait, que c'était un collectif qui me convenait. Et j'ai pris contact avec les responsables, et puis ça s'est fait comme ça. Ouais. Et maintenant, régulièrement, tu exposes avec l'Archaud. J'expose avec l'Archaud et je suis dans le bureau depuis quelques années. Ça, ça s'appelle l'investissement complet. Oui, mais tiens, en parlant d'Archaud, c'est quand le prochain rendez-vous exposition? Alors, il y a une exposition au mois de mars, du 7 au 15 mars. L'espace d'exposition de Parmain. À Parmain, voilà. Salle Louis. J'ai oublié le nom de la salle. Louis Le Maire. C'est juste derrière l'hôtel de ville, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, c'est assez facile à trouver. Donc le thème, c'est la planète des chauves. Alors ça, c'est une particularité des archivistes, c'est que les thèmes sont toujours complètement... un peu décalés, Donc là, tu nous rappelles le thème? C'est tout récent. La planète des chauves. Ça vient de la réunion de samedi dernier. D'accord. Donc le thème, c'est la planète des chauves. Il faut s'attendre à tout. Ah. Avec Archaud, il faut s'attendre à tout. Tu dis que tu n'aimes pas les contraintes, mais là, tu en as une super contrainte. Si tu dois faire un objet pour la planète des chauves avec du papier, ça va être top. Oui, ça va aller. Bon. Ça marche. Objet exposé, je reste dans ma continuité d'idées. Je sais que, pour l'avoir vécu aussi... voilà, quand l'objet est exposé, il a aussi droit à des critiques, et il a droit aussi à des félicitations, heureusement. Et c'est vrai que quand il y a des objets en papier de Dominique exposés dans une exposition, moi je sais que souvent ça dénote par rapport au reste, d'abord peut-être et sans doute et sûrement par la qualité artistique de ce qui est proposé, mais aussi par le fait que ce sont des objets tout à fait originaux et qu'on a plus l'habitude de voir des peintures, des gravures, des sculptures. Bon, c'est vrai que les archivistes ont souvent des choses un peu particulières, mais quand même. Du coup, il en ressort quoi de toutes ces expos? C'est une motivation pour la suivante? C'est toujours de bonnes discussions? C'est toujours enrichissant comme on l'attend? Ah oui, ça stimule, oui. Ah ouais. Oui. Ouais. Ah oui, toujours. Hein. Avec Archaud, mais avec d'autres. Enfin, dès que vois une exposition, enfin, je vais beaucoup dans les expositions et ça me stimule. Quand je rentre, j'ai envie de m'y mettre. Là, ça, c'est une, oui, c'était un besoin de oui, c'est un besoin d'artiste, de toute façon, oui, d'aller voir des expos, tu l'as toujours fait. Ah ben oui, oui, oui, ouais. ça c'est un besoin. C'est nourrissant. Oui, nourrissant et stimulant. Voilà. Ben, on arrive à la fin de notre interview, Dominique. Tu avais encore plein de choses à dire. Vas-y, dis-nous. Je voulais simplement parler d'une autre association que j'ai créée avec une autre artiste. Bien sûr. Qui s'appelle Impression Plurielle. Donc, c'est une toute nouvelle association. Et donc là, nous avons appel à candidature pour notre prochaine exposition sur le thème de « Quelque chose bleu ». Donc, si des auditeurs sont intéressés pour participer à cette exposition... Il faut prendre contact avec qui, alors hein? Prendre contact avec... Il y a un site qui existe. Alors, il y a un site, mm-hmm. un site Facebook. Mm-hmm. Alors, facebook.com/impression-plurielle, tout au pluriel. Voilà, et c'est une association que tu as montée avec Brigitte Dussert-Bresson, voilà. Oui. Qui se trouve à Noailles, à côté de Beauvais. Mmh. On invitera Brigitte une fois dans l'émission, elle a aussi un atelier absolument étonnant. C'est une artiste très, très douée, avec plein de qualités, mais voilà, il faudra une émission pour en parler dans le détail. On a bien noté. Bravo pour ta participation à cette autre association et puis à bientôt. Je vous remercie aussi. Merci. Et voilà, chers auditeurs, le temps s'en est écoulé du côté de Beson et Vilaine-sous-Bois. Et toutes les bonnes choses ont une fin. Merci à Dominique Dallot-Gaudelando, papieriste et plasticienne, d'avoir répondu à notre invitation. Un coup de chapeau à Damien pour la bonne marche technique de cette 4e émission. Écoutez, il n'y a rien à voir. Prochain rendez-vous lundi 7 janvier à 19h sur les ondes de Radio RGB 99.2 FM. Écoutez, il n'y a rien à voir, un voyage sonore qui ne manque pas d'air. Et encore moins d'imaginaire. Animé par Philippe Rimbaud et Fabienne Louis. Bonne soirée à tous.